Grosse nouvelle ce matin, c'est que le club de golf de Saint-Prime a nommé le Junior Juno, qui est une personnalité très connue à Dolbeau-Mistassini, comme le nouveau directeur général du club de golf de Saint-Prime. Junior Juno possède quand même une vaste expérience du club de golf, puisqu'il a déjà été président du club de golf de Dolbeau-Mistassini. Il succède donc à Roger Caron, qui lui était en poste l'an dernier. L'Avalanche du Colorado hier l'a emporté par la marque de 3-0 contre les Devils du Jersey. Samuel Girard a été blanchi. Maintenant, parlons des Saguenay de Scutimi. Les Saguenay hier qui ont joué contre les Remparts de Québec. Et c'est une victoire hier des Saguenay 6-4. Deux buts chacun pour Vladislav Kotkov et Liam Murphy. Félix-Antoine Marcotier et Hendrix Lapierre ont aussi marqué. Et vendredi, les Sags ont emporté 3-1 contre Drummondville. Théo Rochette et Lee Hendrix ont entre autres marqué dans la victoire. Les Saguenay vont affronter l'Océanique de Rimouski. La série va débuter en fin de semaine prochaine. Maintenant, la série entre le multiconcessionnaire de Beaumont-Sessigny et la MGR Express de l'Abbé est égale 1-1 samedi soir au complexe sportif de Delbeau devant 850 spectateurs. Victoire du MGR 3-1. Pierre-Olivier Nault a été le seul à marquer le but pour les Castors. Vendredi à l'Abbé, le multi l'a emporté 5-2. Simon Tremblay et Jonathan Fleury ont marqué chacun un but de passe. Steven Girard et Olivier Duchesne ont aussi marqué. Et maintenant, du côté du championnat d'athlétisme en salle qui avait lieu à Montréal, il y a eu deux médailles pour les athlètes du club du 1000 du secteur de Dolbeau. D'abord en marche, Adèle Gauthier a remporté la médaille d'or grâce à un chrono de 8 minutes 27 secondes et au 1500 mètres chez les U20. Caroline Dufour a gagné la médaille d'argent 3000 mètres avec un temps de 17 minutes et 29 secondes. Du côté maintenant d'une course qui s'est déroulée, on parle évidemment d'une compétition qui s'est déroulée à Iberville, on parle toujours de course à pied. À noter qu'au 10 km masculin, Darry Pronovost de Dolbeau-Mistassini a pris le troisième rang avec un temps de 38 minutes 56 secondes. Au 10 km féminin, Sylvie Lavoie de Saint-Augustin a terminé au premier rang avec un temps de 45 minutes 25 secondes. Et au 5 km masculin, Claude Gilbert du Club du Mille de Dolbeau-Mistassini a pris le premier rang. Au 3 km masculin, Joey Pronovost, deuxième position, il est de Dolbeau-Mistassini. Et au 1 km masculin, Derek Pronovost a terminé en deuxième place avec un temps de 4 minutes 38 secondes et au 1 km féminin.